c'est la conquête des sous. T'as pas assez bossé, tu restes dans la zone. C'est bien là qu'on gère les fours. J'ai faim donc le grec est trompé dans la sauce. Ça fait garde avec grand micro. Fais le bon, faut pas que tu parles, y'a pas de magie. Tu sais que ça veut Prada et Moschino. J'fais le con, j'retrouve des lards dans ma machine. J'en arrive dans le zoo, combien d'animaux. Les gars, faut se refaire comme Marco Mouli. Dans la sauce, comme un carré d'alignon. Ça met les poils quand la croix mouillée. J'me roule un nucléaire, t'as vu l'heure. J'ai envie de recompter les sommes avant de foncer. Les compter mon millénaire tout à l'heure. Dans un spring break, j'fous la balle, donc toutes les ladies stressent. Couper la c'est comme au beef cut, tout en noir si j'opère, on reste discret. J'ai six heures, la petite serre, les choix que tu fais rive l'enfer seulement. Serre un petit verre, que t'es un bon, le temps fait que t'es une toute maintenant. Shit, go, bénéfice, j'rôde le soir, c'est le matin dans la cité, pas de soirée disco. T'es